Je voudrais revenir sur l'emploi du présent pour tous les verbes. Encore une fois, on a trois types de verbes qui finissent tous en R à l'infinitif. Il y a le verbe en AR, en R et en IR. Mais ils finissent tous par un R, dont c'est la dernière syllabe qu'il faut frapper à l'oral. C'est la dernière syllabe sur laquelle il faut insister. Alors, parler se dit... Hablar? Oui, mais je voudrais entendre plus nettement la syllabe frappée, hein? La syllabe accentuée. Hablar. Hablar. H-A-B-L-A-R. Hablar. Et manger se dit... Comer. Comer, c'est ça. Comer. Et comprendre... Comprender. Comprender. Comprender. Comprender. Et venir? Venir. Venir. Sortir? Salir. D'accord. Hein? Salir. Salir veut dire sortir. Et parfois, partir. Faire, c'est? Hacer. Hacer. Hein? H-A-C-E-R. Hacer. Et dire? Decir. Decir. Il faut insister sur la dernière syllabe. Decir. Au présent, il vous faut d'abord accentuer l'avant-dernière syllabe, puis relâcher sur la terminaison, qui est d'autant plus importante qu'elle seule indique le sujet du verbe. Si le verbe ne comporte que deux syllabes, l'avant-dernière syllabe, celle qu'il faut accentuer, sur laquelle il faut insister, c'est donc la première des deux syllabes. Alors, comment dites-vous « je veux » ? Quiero. Bien, quiero. Et vous, hein, usted, vous voulez ? Quiere. Non. Si vous dites « quiere », on risque de ne pas vous comprendre, hein, parce que ça n'existe pas, « quiere ». On est au présent. Et au présent, vous savez maintenant quelle syllabe doit être accentuée. Oui, quiere. D'accord, quiere, quiere. Et je peux? Puede. Ça c'est vous pouvez. Hein? C'est la forme avec usted. Mais je peux, c'est? Puedo. C'est ça, hein? Puedo. Puedo. Comment dit-on parler? Hablar. Hablar, oui. Et je parle? Hablo. Oui, c'est ça. Hein? Hablo. Hein? Je parle. Hablo. Et je ne parle pas? No, no hablo. Mm-hmm. Dites-le encore une fois. No hablo. Bien. No hablo. Je comprends? Comprendo. D'accord. Comprendo. Je ne comprends pas? No comprendo. No comprendo. Vous comprenez, hein, vous, usted. Comprende. Oui, c'est ça, hein, comprende. Est-ce que vous le comprenez? Lo comprende. D'accord, lo comprende. C'est une question, donc il suffit de donner une intonation interrogative. Et est-ce que vous me comprenez? Me comprende. D'accord. Me comprende. Et ne me comprenez-vous pas? No me comprende. D'accord. No me comprende. Pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas? Por qué no me comprende? Bien. Por qué no me comprende? Comment dites-vous il ou elle comprenne? Comprenden. C'est ça, comprenden, dont on ajoute un N après le A ou le E, parce que au bout du compte, on a deux sons clés. A pour la catégorie de verbe en AR et E pour l'autre catégorie. On a donc deux grandes catégories qui englobent le trois groupes de verbes. L'une comprend les verbes en AR et l'autre les verbes en ER ou IR. Pour la forme avec « je » du présent, vous accentuez l'avant-dernière syllabe, puis vous relâchez sur le haut de la terminaison. Comprendo. Hablo. Et ce, quelle que soit la catégorie du verbe. Aux autres personnes, les deux sons clés sont le « a » et le « e ». Donc, si c'est un verbe « an ar », vous accentuez l'avant-dernière syllabe, puis vous relâchez sur le « a » de la terminaison. Et si c'est un verbe qui appartient à l'autre catégorie, un verbe « an er » ou « ir », vous accentuez l'avant-dernière syllabe, puis vous relâchez sur le « e » de la terminaison. Donc, c'est « a » ou « e ». « A » ou « e ». Alors, vous parlez, vous, usted, vous parlez, se dit Hablé. Au cas où vous hésitez sur la terminaison A ou E, réfléchissez bien avant de choisir entre les deux, car la terminaison, outre qu'elle indique le sujet du verbe, va nous servir à confirmer ou non qu'il s'agit du présent. Alors, vous parlez, vous, le usted, vous parlez, c'est Hablé. Est-ce que vous êtes dans la catégorie de verbe an ar ou dans l'autre catégorie? Ah oui, non, je me suis trompé de catégorie. Non, c'est habla. Encore une fois? Habla? Oui, habla, du verbe hablar. C'est très important, hein? Et vous allez bientôt voir pourquoi c'est si important.